Bonsoir Marie-Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. L'archéologie a vocation à faire plaisir aux archéologues, évoquait avant-hier Jean-Paul Demoule lors d'une rencontre surprise à la Sorbonne, destinée à lui rendre hommage, saluer son œuvre. Ce témoignage de la communauté archéologique, l'épais volume offert, ce que l'on appellera désormais les mélanges de moules, ont probablement produit plaisir et bonheur. Quoi qu'il en soit, si l'archéologie n'a pas vocation exclusive à rendre heureux les archéologues, quelques chercheurs français et marocains le sont réellement aujourd'hui. Il faut dire que leur découverte est un grand pas pour l'humanité, la vôtre, la mienne. Publiée dans la revue Nature, elle fait actuellement le tour du monde. Jean-Jacques Hublin, du Collège de France et du Max Planck Institute, comme ses confrères, ont eu en effet la chance de mettre la main sur le plus vieil homme moderne jamais découvert, un homme vieux de plus de 300 000 ans, issu du site du Djebel Irhoud. En archéologie, on cherche pour trouver, et quand on trouve, archéologues ou anthropologues sont parfois surpris par la trouvaille. Pour tout savoir sur notre lointain ancêtre, j'ai rencontré Antoine Balzo, chargé de recherche au CNRS, dans son bureau du Musée de l'Homme. On a parfois des choses inattendues en archéologie, mais c'est vrai que l'objectif quand même, c'est d'essayer de réfléchir et de contextualiser nos découvertes. Donc en général, c'est pas non plus le fruit du hasard. On va chercher à l'endroit où il y a un potentiel plus important. Alors évidemment, quand il y a une annonce, parfois ça remet en cause certaines des idées qu'on avait, le contexte qu'on connaissait, plus ou moins largement, parfois très très largement, comme ça a pu être le cas de l'homme de Florès. Et puis parfois, on redessine les lignes, les bordures de ce qu'on connaissait. Et là, l'idée qu'apporte ce nouveau fossile, c'est que Homo sapiens est plus ancien que ce qu'on pensait auparavant. Vous-même, dans votre recherche, vous avez été surpris ? Je ne m'attendais pas forcément à un âge aussi ancien pour ce site-là, parce que c'est un gisement qui est déjà connu depuis un moment. Mais c'est intéressant parce que ça donne une perspective dans le temps et dans l'espace à notre espèce qui n'était pas attendue. Ça donne beaucoup de largeur et de profondeur, plus qu'on pouvait le penser auparavant. En tout cas, Florès, par exemple, a été une véritable bombe dans le monde de l'anthropologie biologique. Il faut voir que notre discipline se base sur des données qui sont vraiment partielles. On a quelques points, quelques dates, quelques spécimens. Et forcément, on essaye d'en extrapoler un contexte plus large. Essayer de comprendre l'origine, le tempo et l'extension des espèces. Forcément, pour des fossiles qui sont bien documentés, ça va être plus facile. L'extension des Néandertaliens, même si elle s'agrandit dans le temps et dans l'espace, aujourd'hui, elle est documentée par nombreux points. L'espèce Homo sapiens, finalement, on a très peu d'informations. Des fossiles anciens, on en connaît réellement peu. Ce qui fait que le potentiel de chaque nouvelle découverte est vraiment important pour chambouler les connaissances. Et puis forcément, quand on trouve des espèces inattendues parce que différentes de ce qu'on connaissait avant, ça peut chambouler réellement, profondément les connaissances en paléoanthropologie. L'homme de Florès l'a fait très largement. La datation très récente proposée pour Homo naledi il y a peu rebouscule aussi nos connaissances sur l'évolution de l'homme et le concept qu'on se fait des relations entre les espèces humaines. En plus, les chercheurs proposent des sortes de scénarios, quelque part. Des scénarios qui sont en l'état de la recherche. C'est un peu la limite et le problème des choses. On se base sur peu d'informations, on essaye d'en tirer des histoires. Alors évidemment, c'est important de contextualiser, de scénariser. Le problème, c'est que parfois, on va trop loin parce que les informations sont trop partielles. Auparavant, on avait une vision très linéaire de l'évolution, basé sur peu de spécimens. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est beaucoup plus foisonnant, beaucoup plus complexe. Ce qui est important et intéressant, c'est pour ça aussi qu'il faut essayer de rester plus simple dans nos explications, pas essayer d'extrapoler trop loin les nouvelles découvertes qu'on peut faire. Est-ce qu'il n'y a pas justement une course à ces scénarios pour passer dans une très bonne revue d'ordre mondial? On va émettre des hypothèses et en faire presque des réalités. J'exagère, mais Lucie tombée par exemple d'un arbre. C'est un peu Le mauvais contre-exemple, celui-là. Le problème, c'est qu'il faut bien essayer de contextualiser les choses. Et puis, de toute façon, l'archéologie, évidemment, si on veut diffuser, publier, valoriser le travail qu'on fait, il faut choisir des revues de plus grande qualité et ça implique forcément des résultats qui chamboulent un petit peu. C'est vraiment le problème de la science finalement. Le résultat négatif, il va pas intéresser les revues. Pourtant, c'est important de montrer des choses qui sont partagées, qui sont communes. Ça, c'est quelque chose qu'on va avoir vraiment du mal à publier. Il faut du scoop. Alors, c'est la faute de la science en elle-même et puis de la diffusion aussi qu'on peut faire des choses. Il faudra quelque chose de nouveau. La chute de Lucie, justement, c'est finalement une avancée très intéressante, une analyse très complète qui apporte de nouvelles choses sur ce fossile-là, avec une part interprétative qu'on peut toujours critiquer. La part vraiment intéressante de l'étude, c'est qu'il n'y avait pas eu d'analyse de l'ensemble du squelette d'un point de vue taphonomique, ce qui est incroyable pour un fossile trouvé il y a aussi longtemps. Mais aussi parce qu'à l'époque, on ne se posait pas forcément la question. Elle était retrouvée dans un lit de rivière, elle était là, l'intérêt, c'était juste l'analyse biologique. Ça montre qu'on peut aller plus loin en faisant tous les travaux possibles sur un fossile. Là, ils ont vraiment voulu modéliser, contextualiser, comprendre chacune des petites fractures qu'on trouve sur les os. Et globalement, il y a tout un ensemble d'informations vraiment convaincantes sur la manière dont les os se sont comprimés les uns sur les autres, se sont imbriqués, cassés, tordus chez ce spécimen, qui permettent de montrer qu'il y a eu des chocs violents sur le corps. Après, l'interprétation qu'en est faite, que ça pouvait être une chute d'un arbre et tout, c'est une interprétation. Par contre, le fait qu'il y ait eu un traumatisme violent à l'origine des fractures présentes sur ce corps-là, ça paraît assez raisonnable de le proposer. Donc c'est vraiment une étude originale dans ce sens-là. Je suis pas certain qu'il lui soit arrivé exactement ça. Ce qui est important, c'est que ça montre qu'on peut toujours explorer plus et exploiter beaucoup plus largement les fossiles humains. Ce qui montre aussi que c'est important d'avoir accès aux fossiles pour pouvoir partager les choses et avoir plus d'informations scientifiques. En tout cas, en préhistoire, les découvertes se déplacent, du moins dans l'ancien monde. Après l'Afrique australe et orientale, la Chine, la grande découverte vient du Maroc. Il y a plein d'aspects qui ont un rôle important, qui modèlent finalement les capacités de recherche qu'on peut avoir. Il y a des aspects historiques. On a commencé à chercher en paléoanthropologie, surtout en Europe, avec cette idée que les hommes venaient d'Europe, donc on cherchait en Europe. Puis il y a eu des découvertes en Afrique qui ont été très peu acceptées, mais ça a aussi modelé cette tentative de recherche. Puis ça a été l'Asie, etc. Donc en fait, les recherches sont faites à la fois dans un contexte où on essaye d'aller à un endroit en se disant « il y a un potentiel ». Parfois, certains chercheurs cherchent dans ces régions-là, en rupture avec les idées préconçues, les idées qu'on peut avoir. C'est le cas des recherches en Afrique centrale de Michel Brunet pour trouver Toumaï. C'était difficilement prévisible puisque toutes les théories du moment disaient que les hommes n'étaient apparus à l'est et qu'il n'y en avait pas du tout à l'ouest. Là, ils sont allés chercher à l'ouest volontairement pour essayer de trouver quelque chose et essayer d'approfondir les connaissances. Donc ça, c'était vraiment un objectif marquant et original. Une autre complication de tout ça, c'est que forcément, ça s'intègre dans un cadre actuel de géopolitique et de relations internationales qu'il peut y avoir. Donc ça joue un rôle. Les premières recherches en Asie du Sud-Est se sont faites par des Hollandais dans des territoires qui étaient sous domination hollandaise. Donc il y avait une vraie logique. Pareil, les recherches en Afrique, les différentes équipes dans les différents pays, c'est parce qu'il y avait des relations privilégiées. Et puis il y a toute une partie du monde qui, pendant l'histoire récente et encore aujourd'hui, a été plus ou moins accessible. Et finalement, une cartographie des fossiles que l'on connaît est en partie liée aussi aux possibilités d'aller fouiller dans certains pays sur Terre aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une vraie géopolitique du fossile et de la recherche de fossiles, encore, de nos jours ? Il y a deux cartes différentes. Il y a la cartographie des équipes qui sont en cours de recherche. Les Américains vont plutôt dans certains coins, les Européens, les Français ont leur spécialité, leur historique dans certaines régions. Et donc ça modèle un petit peu cette cartographie des fouilles en cours. Et puis évidemment, il y a des régions aujourd'hui où on peut plus fouiller, où c'est compliqué. L'Irak, l'Iran sont des régions très complexes. En Irak, ils ont repris un petit peu le travail de terrain, mais ça reste extrêmement difficile. Et il y a encore plein de régions au monde où on n'a pas pu du tout aller chercher, alors qu'il y a un potentiel très important. Les fossiles du Maroc sont connus. On se souvient de l'homme de Salé, qui avait été d'ailleurs trouvé, je crois, par Jean-Jacques Jaeger, par exemple. Le Maghreb est-il un terrain fossilifère propice à de grandes découvertes ? Il l'a été, c'est connu depuis longtemps, même à Djebel Irhoud, les premiers fossiles datent des années 60, mais il y a d'autres fossiles qui avaient été découverts. On connaît même des Homo erectus à Ternifine, qui sont assez anciens et qui sont parmi les Homo erectus classiques, des restes très très bien préservés. Donc on savait déjà qu'il y avait eu des occupations humaines très anciennes, et puis plus récente, mais comme toujours en archéologie, une des difficultés, c'est de bien dater, de bien connaître les gisements pour pouvoir les intégrer au milieu des autres. Et là, la principale avancée concernant Djebel Irhoud, c'est la découverte de nouveaux fossiles humains, évidemment, mais aussi sa redatation qui a permis de les reculer dans le temps. Que savez-vous sur ce site de Djebel Irhoud? C'est une mission visiblement franco-marocaine? Et puis c'est une mission sur le long terme, puisque les fouilles là-bas ont lieu depuis les années 60 et que l'équipe de Jean-Jacques Hublin est sur le terrain depuis des années et des années, avec comme objectif de trouver de nouveaux éléments, mais surtout de mieux comprendre le gisement. Et ça, c'est vraiment un aspect important aussi. Il y a beaucoup de sites où on a trouvé depuis longtemps des fossiles humains, en France, en Europe, partout, en Afrique, mais où les découvertes anciennes font qu'on ne peut pas exploiter l'ensemble des données sur ces spécimens-là, parce qu'ils sont mal contextualisés au sein du gisement, parce qu'on ne connaît pas bien l'âge des différentes couches. Et bien là, c'est une très bonne illustration de l'importance de continuer à faire du terrain sur des gisements qu'on connaît déjà, parce que ça permet de beaucoup mieux comprendre ce qui s'y est passé et de beaucoup mieux les contextualiser. Des fossiles avaient déjà été trouvés dans les années 60, je crois. Oui, et puis des fossiles qui étaient fameux parce qu'il y avait déjà des parties crâniennes très très bien conservées et qui justement entraient dans notre discussion sur l'évolution de l'homme. Ils posaient vraiment question ces fossiles-là parce qu'ils avaient une anatomie un petit peu particulière ou en tout cas différente des autres fossiles connus par ailleurs. Qu'est-ce qui a été trouvé récemment ? Plusieurs individus ? Là, on est à un total de plus d'une dizaine d'individus trouvés au cours du temps, dont une demi-douzaine dans les fouilles les plus récentes, et en particulier deux fossiles particulièrement décrits là dans le travail qui vient d'être publié et qui sont des zones très importantes concernant notre espèce parce qu'il y a des caractères anatomiques assez clairs, c'est la face et la mandibule. On est sur des caractères typiquement homo sapiens sapiens, c'est-à-dire des caractères qui sont caractéristiques de l'homme moderne? Il y a au sein de ces fossiles-là différents types de caractères, mais il y en a certains pour lesquels il n'y a vraiment aucun doute. La forme de la mandibule ou la forme des reliefs au-dessus des orbites, en particulier la face qui a été trouvée, sont vraiment des caractéristiques anatomiques de notre espèce qu'on retrouve uniquement chez nous. Et donc sur ces fossiles-là, il n'y a pas de doute sur le fait qu'on peut les rapprocher d'Homo sapiens. C'est-à-dire que nous, hommes modernes, nous n'avons pas de gros bourrelets au-dessus des yeux, ce qu'on appelle les bourrelets susorbitaires ? C'est ça, on a une petite particularité anatomique. Au lieu d'avoir une sorte de visière, de casquette qui passe tout au-dessus de notre front, on a des reliefs qui sont un peu plus diffus, avec une sorte de coupure juste au milieu de l'orbite. Ça a été décrit comme une forme en papillon, et c'est vrai que c'est un petit peu cet aspect-là. Il y a la partie au milieu, au-dessus de notre nez, qui est un peu en relief, et puis sur le côté de nos orbites, ça fait des petites ailes, et ça, c'est une caractéristique vraiment typique de notre espèce. Qu'en est-il de la mandibule, le maxillaire inférieur ? La mandibule est typiquement Homo sapiens, elle est très bien conservée, c'est un superbe fossile, c'est très rare d'en trouver des aussi bien conservés que ça, et l'ensemble des analyses fait clairement rentrer cette mandibule dans la variabilité d'Homo sapiens. Vous dites donc qu'il s'agit d'un fossile magnifique, mais qu'est-ce qu'un bon fossile pour un paléoanthropologue biologique ? J'imagine que c'est celui qu'on trouve soi-même. Ça, c'est la première qualité d'un fossile. En découvrir un, c'est toujours un rêve. Pour mettre son nom dessus ? Non, juste pour le plaisir de l'avoir trouvé. C'est une sensation assez incroyable quand on n'est pas paléoanthropologue de trouver ses propres fossiles. On se dit, ça y est, j'ai participé un petit peu. Et ça vous est arrivé ? Ça m'est arrivé et ça fait assez plaisir, en effet. Mais surtout, ce qui va être intéressant pour un fossile, c'est un spécimen qui va nous permettre de faire une bonne description biologique, d'apporter de nouvelles informations et puis de contribuer à la discussion, d'apporter des données qui vont permettre de mieux comprendre l'évolution humaine. Je suppose que c'est ça un bon fossile. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Antoine Balzo, 300 000 ans, c'est vraiment très vieux pour vous. Est-ce qu'on est à l'origine justement de notre propre espèce ? Ça, je peux pas répondre à cette question simplement parce qu'on ne peut pas prédire une date. Là où il y a une surprise, c'est que c'est bien plus ancien que ce qu'on connaissait auparavant. Avant, c'était 200 000 ans, la date la plus ancienne. 300 000 ans, c'est 50% plus vieux. C'est quand même une sacrée différence. Toutefois, il faut remettre ça dans le contexte. Des fossiles anciens, pour le moment, on en connaissait autour de 100 000 ans. Puis on connaissait un fossile à 160 000 ans, puis deux fossiles à 195 000 ans. Donc finalement, on avait juste trois spécimens fossiles pour les périodes les plus anciennes. Donc là, ça en fait quelques-uns de plus qu'en 300 000 ans, et c'est beaucoup, beaucoup plus vieux. Mais cette augmentation nous paraît très importante aussi parce qu'on a très peu de spécimens. Il est probable que si on continue à chercher dans toutes les régions d'Afrique, au sens large d'ailleurs finalement, on trouvera d'autres spécimens entre 300 000 et 100 000 ans et qu'on arrivera à avoir une cartographie plus précise de l'extension des populations humaines et puis surtout une représentation plus claire de ce qu'a été notre espèce au cours du temps, qu'a dû habiter différentes régions d'Afrique entre 300 000 et 100 000 ans et pourtant on connaît pour le moment que 2 à 3 fossiles dans toute cette période-là. Où ont été trouvés ces fossiles ? Israël, aussi la partie de l'Afrique de l'Est ? Ceux autour de 100 000 ans, c'est en effet les spécimens retrouvés en Israël, qui sont nombreux, mais qui sont aussi assez exceptionnels finalement, parce que on connaît très peu de fossiles avant en Afrique, et d'un seul coup, on a un groupe humain très important. Les sites israéliens ont livré plus de fossiles que tous les homo sapiens qu'on connaît auparavant et très très largement, même en incluant ceux de Djebel Iroud aujourd'hui. Donc ça montre bien que c'est un matériel important. Avec déjà des pratiques funéraires. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire aussi. À 100 000 ans, on enterre ses morts. C'est indéniable dans ce gisement-là et ça montre bien aussi combien il est compliqué d'appréhender l'évolution biologique et comportementale et les capacités qu'ont pu avoir les hommes par le passé, puisque là on voit que ces homo sapiens à 100 000 ans avaient déjà des comportements très très complexes, mais qu'on voit partagés avec d'autres espèces, puisque les néandertaliens à la même époque avaient des comportements tout aussi complexes. Hormis Israël, où a-t-on trouvé des fossiles ? On en connaît en Asie, mais très fragmentaire, autour de 100 000 ans, et peut-être un petit peu plus, mais ce sont des restes isolés, donc c'est difficile de discuter de l'anatomie. Mais a priori, on a des fossiles en Chine qui sont clairement des fossiles d'Homo sapiens autour de 100-110 000 ans. Ensuite, je vous disais, en Afrique, les quelques que l'on ait, c'est 150 et 190 000 ans en Éthiopie. Et c'est pour ça qu'on partait dans cette idée que l'origine de l'homme était en Afrique de l'Est, parce que les deux plus vieux fossiles qu'on connaissait provenaient de cette région-là. Est-ce que ces vieux fossiles de Djebel Iroud à 300 000 ans ont encore des caractères primitifs ? Ils ont des caractères primitifs comme nous en avons tous. Le problème des caractères primitifs, c'est que justement, ils vont dépendre d'avec quoi on compare. Par exemple, le fait d'avoir une main à cinq doigts, c'est un caractère très primitif parmi les mammifères ou les animaux qui ont un squelette. Les hommes de Djebel Iroud ont des caractéristiques anatomiques du crâne qui nous semblent un petit peu primitifs parce qu'ils sont plus robustes, un petit peu plus petits que les hommes actuels, mais c'est une question de comparaison aussi, puisqu'on les compare avec nous-mêmes. Si on les compare avec les fossiles humains qui ont à peu près 100 000 ans, ils sont déjà nettement moins primitifs. Et puis surtout, ce qui est vraiment important, c'est qu'ils partagent des caractères dérivés, et ce sont ceux-là qui ont une réelle valeur scientifique avec tous les homo sapiens qu'on connaît après et les hommes d'aujourd'hui. Donc ce premier sapiens sapiens, ce premier homme moderne, avait-il la même tête que nous ? Ça, j'en ai aucune idée parce qu'on n'a pas retrouvé les tissus mous, donc on peut pas faire une reconstitution de son visage. Il était de toute façon un petit peu différent parce que cet enregistrement connu à Djebel Iroud de quelques individus montre quand même une boîte crânienne un peu plus petite que la variation actuelle, des proportions un petit peu différentes. Donc il devait avoir dans le détail une forme un peu différente, mais de toute façon, c'est pas surprenant. En fait, on a tendance à imaginer que l'homme d'aujourd'hui est l'unique représentant d'Homo sapiens, ce qui est une erreur. Notre espèce existe depuis longtemps et a une variation aussi dans le temps. Et les hommes de Cro-Magnon ou ceux de Kavzé, donc les hommes d'il y a quelques dizaines de milliers d'années ou une centaine de milliers d'années, représentent une variation morphologique qui n'existe plus aujourd'hui. Donc c'est vrai aussi pour ceux d'il y a 300 000 ans à Djebel Iroud. Avec les fossiles de Djebel Iroud, doit-on encore et toujours considérer cette découverte comme une sorte de chaînon manquant ? Alors le chaînon manquant, c'est justement quelque chose qui s'intègre dans cette idée d'évolution très linéaire et très droite, comme si on pouvait trouver quelque chose qui serait à l'origine d'un nouveau groupe. Le problème, c'est que justement la notion de chaînon manquant, c'est en fait quelque chose de totalement théorique. Quand on recherche des relations entre espèces biologiques, on va avoir des caractères qui sont différents, qu'on va pouvoir reconnaître. Par exemple, le fait d'avoir un menton osseux sur notre mandibule, ça caractérise Homo sapiens et on ne le retrouve chez aucune autre espèce. Donc si on prend la relation entre Néandertal et sapiens et qu'on voit les caractères propres à Néandertal, les caractères propres à sapiens, on les reconnaît clairement. Par contre, si on devait trouver le chaînon manquant entre les deux, l'ancêtre commun aux deux, on ne pourrait pas le reconnaître, puisqu'il aurait ni les caractères de l'un, ni les caractères de l'autre. Il serait en ça très primitif et il ressemblerait aux hommes d'avant. Donc, en paléontologie, un chaînon manquant, on ne le trouve pas, parce qu'il n'existe pas. Et en l'occurrence là, ces hommes de Djebel Irhoud, ils ne peuvent pas être un chaînon manquant au sein de notre évolution, puisqu'ils ont déjà des caractéristiques très clairement partagées avec nous. Donc, sont vraiment des Homo sapiens, ils font partie de notre grande famille Homo sapiens. La vieille conception linéaire de l'évolution de l'homme est difficile à combattre en tant qu'anthropologue biologique. L'idée que l'homme se redresse et arrive jusque nous. En fait, il y a plusieurs notions dans cette idée-là. La partie paléontologique qui est d'expliquer que justement il n'y a pas eu ce redressement-là et une seule espèce qui devient une autre, on y arrive plutôt facilement aujourd'hui, simplement parce qu'on a tellement d'espèces fossiles que c'est évident, on peut montrer facilement qu'il y a eu des périodes avec plein d'espèces humaines différentes. Le corollaire qui reste là-dedans, c'est que quand on parle de cette linéarité, on pense aussi à une progression, à une évolution dans un sens augmentation de la capacité, avec cette image que l'homme d'aujourd'hui serait supérieur à tous ceux d'avant. Ce qui est faux, il n'y a pas de degré d'évolution. Chacun est adapté à un moment donné à un environnement particulier et chaque espèce était aussi évoluée que les précédentes. Ce qui fait qu'Homo sapiens n'est pas plus évolué que les autres espèces qui ont vécu auparavant, et les hommes actuels sont pas plus intelligents, plus forts, plus capables que tous ceux qui ont vécu auparavant. On sait désormais que l'homme moderne donc a 300 000 ans au Maroc. En tout cas, il faut se rappeler aussi l'ève mitochondriale, l'ève africaine des paléogénéticiens qui avaient fait des calculs savants et qui étaient arrivés sur une date de 150 000 ans. Oui, et c'est un apport très important qu'a eu la paléogénétique en nous permettant de mieux comprendre et de mieux contextualiser de l'évolution de l'homme. Il faut toutefois prendre ça avec un petit peu de recul, c'est que c'est basé sur des calculs et chaque calcul a quelques inconnus. Et les inconnus pour les paléogénéticiens, c'est le taux de mutation qu'on peut quantifier, qu'on peut utiliser pour essayer d'estimer le point de départ. Et donc, pour arriver à dater l'apparition de quelque chose, il se base sur des transformations qui auraient lieu de manière régulière au cours du temps. On sait aujourd'hui que, justement, c'est pas aussi régulier que ça, et puis qu'il peut y avoir des variations assez importantes entre les groupes. On retravaille beaucoup sur l'horloge moléculaire, et on se rend compte que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et puis, un autre aspect que la paléogénétique ne maîtrise pas, c'est que la paléogénétique se base sur des données génétiques conservées que l'on trouve, et ce qui fait que ces données-là étaient basées sur la variabilité qu'on retrouve chez Homo sapiens aujourd'hui. Or, chez Homo sapiens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une variabilité biologique qui a existé auparavant, qui n'est plus représentée aujourd'hui, mais il y a eu aussi une variabilité génétique qui n'existe plus. Et on sait par exemple que tous les fossiles que l'on retrouve en Europe jusqu'à il y a 25 000 ans n'ont pas contribué au patrimoine génétique des hommes qui ont vécu après, simplement parce qu'il y a eu plusieurs étapes de déplacement humain au cours de notre histoire et que les ancêtres des Homo sapiens actuels ne sont pas les premiers à être sortis d'Afrique. Il y a eu de nombreuses étapes avec plusieurs mélanges et des périodes de crise aussi et de disparition du patrimoine génétique. Ce qui fait qu'on n'a qu'une vision parcellaire de notre histoire, c'est celle qui est conservée quand on utilise la génétique chez les populations actuelles. Et il peut donc y avoir eu d'autres groupes fossiles auparavant qui ont disparu sans donner de continuité. Dans le papier qui vient donc de paraître dans la revue Nature, et outre l'étude bien sûr du fossile, la datation est absolument capitale. Deux méthodes auraient été utilisées pour trouver exactement la date de ces fossiles de Djebel Irhoud ? aujourd'hui, c'est vraiment important d'essayer de bien calibrer les dates, de bien les contextualiser, d'utiliser plusieurs techniques pour montrer qu'il y a une concordance dans les informations qu'on obtient. Ça permet aussi de valider plus précisément les dates. Et pour le site de Jebel Irhoud, c'était vraiment important parce que les dates antérieures qui avaient été proposées n'était pas aussi ancienne. La première, c'était une date faite à partir de carbone 14 et qui avait conclu simplement qu'ils avaient plus que la date limite quantifiable grâce au carbone 14. Et c'était resté d'ailleurs dans la littérature très longtemps, cette date, avant qu'une autre date soit obtenue autour de 160 000 ans, mais là encore avec des limites techniques à l'époque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en utilisant plusieurs techniques et en trouvant un résultat concordant autour de 300 000 ans, ça donne un poids assez important à leur résultat. En tout cas, cet homme moderne, à 300 000 ans, au Maroc, il croise et il côtoie bien d'autres individus. Alors, on ne sait pas si, à cet endroit-là précisément, il a côtoyé, croisé d'autres espèces humaines. La certitude, c'est qu'il y a 300 000 ans, on avait une ribambelle d'espèces humaines différentes. On connaît les Néandertaliens ou les Homo heidelbergensis en fonction des chercheurs. En Europe, Homo erectus vivait en Asie et il y avait peut-être même ce fameux Homo naledi en Afrique du Sud. Est-il conceptuellement possible de penser qu'Homo sapiens sapiens, le moderne, soit encore plus vieux ? Oui, c'est indéniable. Puisqu'on a des fossiles à 315 000 ans, on peut dire avec 99,99% de certitude qu'on n'a pas trouvé le plus vieux. Simplement parce que la probabilité de trouver les premiers spécimens d'une espèce est quasiment nulle, c'est difficilement imaginable. Donc ça montre forcément que notre espèce est plus ancienne que ça, sans pour autant être capable de dire précisément, exactement, de quand ça date. Antoine Balzo, vous en parliez à l'instant. La découverte récente de l'Homo naledi serait une sorte de mi-homme moderne, mi-australopithèque, quelque chose qui bouleverse ou qui gêne certains paléo-anthropologues ? Oui, c'est un petit peu dérangeant. Il y a encore beaucoup de travaux paléoanthropologiques à faire sur ce matériel-là, parce que beaucoup de spécimens ont été trouvés, et ça c'est exceptionnel, une découverte aussi grande, c'est très très rare. L'autre aspect surprenant de ces fossiles-là, c'est leur âge. Ils ont aussi à peu près 300 000 ans, mais ce qui étonne, c'est qu'ils ont 300 000 ans, mais qu'ils ont une anatomie qui rappelle plutôt les premiers représentants du genre Homo, ceux d'il y a 2 millions d'années. D'ailleurs, la logique était plutôt de dire, vu la tronche qu'ils ont, ils datent probablement de cette époque-là. Et c'est pour ça que quand la date est tombée, ça a été un petit choc dans la communauté, parce qu'ils sont beaucoup plus récents que leur tête ne semblait vouloir le dire. Ce que ça veut dire, ça, eh bien, c'est simplement qu'on a une vision trop simpliste de l'évolution. Là encore, même les paléoanthropologues pêchent dans cette idée que les choses se font au cours du temps avec toujours une amélioration. Là, une espèce humaine avec des caractères très anciens a existé jusqu'à très récemment. Une découverte en fait en Afrique du Sud, dans une grotte qui s'appelle Rising Star par Lee Berger, c'est bien ça ? Oui. oui, c'est en fait un système karstique, plusieurs grottes et dans plusieurs chambres, ils ont trouvé des restes humains. Au départ, c'est une première chambre qu'ils avaient fouillée avec 1500 restes, publiée il y a un an et demi et découverte un an auparavant. Et là, ils ont publié en même temps que la date une nouvelle cavité avec de nouveaux restes humains, dont un squelette bien plus complet que ceux qu'ils avaient trouvés avant et un crâne vraiment bien conservé qui va permettre d'en dire beaucoup plus sur les caractéristiques de cette espèce-là. Antoine Balzo, en conclusion, faut-il voir dans cette découverte de Jebel Irhoud, donc bien sûr au Maroc, le berceau de notre humanité, berceau dont l'abbé Breuil disait qu'il était à roulette ? Il est à roulette parce qu'il bouge, la preuve, on le pense en Éthiopie, le voilà maintenant au Maroc, mais c'est pas parce qu'on trouve un point dans le temps et dans l'espace qu'on a la certitude d'avoir le premier et le bon endroit. Par contre, l'ensemble des informations qu'on a, aussi bien en génétique, paléogénétique, variabilité des populations actuelles, et puis en ce qui concerne les fossiles, montrent quand même clairement que l'origine d'Homo sapiens est bien en Afrique. Le point précis, il va falloir continuer à chercher, trouver de plus en plus de fossiles pour arriver à avoir une localisation un peu plus précise, une région, mais en tout cas, on parle bien d'Afrique.